il fait chaud. Heureusement, avec sa mille fontaines. Celle-ci, c'est de la place des Augustins. Puis Esparia. Débordé de touristes, des gens qui passent mieux, pas au mieux, mais dans les centres-villes d'Aix. C'est toujours vivant. On entend de la musique, des motos, des gens qui passent, plusieurs langues, des gens qui mangent encore. C'est un lieu touristique. Les touristes n'ont pas d'heure pour manger. Allez, je prends une glace. C'est insupportable la chaleur. Non, mais avant, je veux faire les développements du film. Oui, en portugais, on fait la révélation. En français, on développe la pellicule.